Citoyens, je suis heureux de me retrouver ce soir, vous au milieu de moi, moi autour de vous. Population et population, villageois et villageoises, villois et villoises, compagnons et compagnoises, hommes et femmes dans ce pays, enfants et enfantes, je vois que vous êtes nombreusement venus m'écouter et je vous remercie beaucoup. Maintenant que je suis chef d'État, tout va marcher dans ce pays. À partir de dorénavant, il n'y aura plus de corruption dans l'administration. Les corruptionneurs seront arrêtés par des services spéciaux, conduits au tribunal, et ils seront sévèrement justifiés par les justiciers et emprisonnés. Ils n'auront ni avocat ni ananas pour leur défense. Il n'y aura plus de volement de fonds publics, ni de fonds privés d'ailleurs. La justice fera ses travaux. À partir de désormais, chaque village aura son hôpital et son école, et ensuite deux hôpitaux, puis trois hôpitaux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le pays soit hospitalisé. J'ai de grands projets pour le pays. Nous allons goudremanter toutes les routes et robinetter toutes les villes pour que tout le monde ait de l'eau courante. Ceux qui n'auront pas de l'eau courante auront de l'eau marchande grâce à des forages que nous allons diguer. Le pays étant très fertile, nous allons exploiter le fer et aussi l'or, car le sol est très fertile. Nous allons construire des barrages pour fabriquer de l'électricité et électrocuter tout l'ensemble du pays. Ainsi, chacun pourra s'électriser grâce à la lumière électrique. Les barrages serviront aussi pour l'agriculture, la riziculture et la poissonculture. Nous allons construire des ports pour les bateaux, des aéroports pour les avions et beaucoup de trains-ports pour les trains. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas. Nous allons emprunter beaucoup d'argent au FMI, le fondement pour l'assemblage et l'industrie, puis aux bailleurs de fonds et même aux dormeurs de fonds, avec lesquels nous entretenons des rapports très amicaux. Merci, je vous remercie.